Bonjour et bienvenue à une autre édition de CLX.zip. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine, on va compresser les chroniques technologiques CLX diffusées dans Rassemblage Requis. Cette semaine, on compresse les chroniques de la semaine du 31 octobre. On va parler entre autres de nouveaux types de verres anti-reflets présentés au Japon, d'un concept de carte cadeau restrictive par Amazon, tout ça accompagné des nouveaux jeux vidéo de la semaine et de ma musique chiptune. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Il n'y avait pas de chronique lundi à cause de l'Halloween, donc on commence avec la chronique de mardi. Mardi. Allez, commençons avec des nouvelles de l'actualité du futur. François, des révolutions technologiques qui s'en viennent bientôt. Nippon Electronic Glass vient de présenter un nouveau substrat de verre baptisé « verre invisible ». Sa particularité est de réduire considérablement les reflets de la lumière sur sa surface et d'offrir ainsi une bien meilleure visibilité. Okay. C'est un petit peu difficile à voir sur la photo. Si tu vas sur assemblagerequis.com, premier lien de la chronique CNX, on dit que la différence avec la plaque de verre standard qui est à gauche de la photo, c'est que le substrat de Nippon Electronic Glass ne réfléchit presque pas la lumière en raison de la présence de deux films anti-reflets installés à l'avant et à l'arrière de la plaque. À titre de comparaison, une plaque de verre normale laisse en moyenne passer 92% de la lumière et en reflète 8. L'alternative de la firme japonaise n'en reflète de son côté que 0,5%. Ça a été présenté à l'occasion du salon FPD International de Yokohama. Ce verre n'est encore qu'au stade de prototype et NEG n'a pas donné beaucoup de détails sur la technologie concrètement utilisée. Reste qu'il pourrait à terme être proposé dans les moniteurs d'ordinateurs, sur les tablettes, les portables, tout ce qui souffre de problèmes de reflets, peut-être les téléphones cellulaires. Est-ce que tu as vu la photo? Oui, j'ai vu. C'est quand même pas pire, hein? Oui, mais on voit pas, on voit, ouais. C'est pas excellent. C'est du verre qu'on regarde, hein? C'est ça, c'est ça. Mais quand même, si au moins ça peut enlever les spots de lumière que, mettons, quand t'es à l'université, par exemple, c'est des néons, c'est pas mal la pire chose pour un écran de portable. Ouais. C'est pas fameux, fameux. C'est pour ça que j'ai toujours aimé les écrans mat, les écrans qui ont pas de vitre dessus, comme le mien. C'est vraiment, si tu touches, c'est vraiment l'écran, là, tu peux comme peser puis ça fait des empreintes. Mais avant, les portables, c'était de mode. Ouais, c'est ça. Mais là, depuis quelques temps, ce qui est à la mode, c'est faut que ce soit shiny. Ouais, il faut que ça soit. Moi, je veux voir ma face dedans, je veux pas voir mon contenu. Je veux voir ma face, je veux m'enlever les crottes de nez, tu sais. Non, c'est niaiseux. Là. Niaiseux. Ouais. Je trouve ça vraiment niaiseux. Ça coûte plus cher de le faire changer pour revenir à un écran mat. Bon, allons-y avec une autre nouvelle technologie d'une firme canadienne cette fois-ci, François. C'est la firme canadienne 4Eye. Eux, ça s'écrit 4-I-I-I-I. 4Eye, OK. Qui va proposer à la vente en novembre les lunettes Sport Eyes. Mais là, c'est Sportis, comme avec 4-I dedans. Là. Sportis, là, mais ça se prononce Sport Eyes. OK. C'est imbécile. Qui intègre une interface utilisateur destinée aux sportifs. Donc, à l'intérieur de la lunette, tu vois une interface utilisateur. Ben, c'est des lumières, vous allez voir. Des lunettes de soleil qui disposent d'un moniteur d'activité symbolisé par 7 lumières de couleur visibles dans le coin inférieur droit de la monture. Ces témoins lumineux, ils symbolisent l'activité cardiaque de l'utilisateur pour lui permettre de se maintenir dans un intervalle d'effort efficace selon l'activité physique pratiquée. Le réglage des paramètres s'effectue par un ordinateur. Donc, tu dois les régler avant de les porter. Via le logiciel qui accumule des statistiques concernant l'activité du sportif. Et tu peux aussi brancher plusieurs accessoires, dont un moniteur de cadence de pédalage ou encore vitesse de course. Elles sont également étanches et disposent d'une fonction vocale qui énonce le rythme cardiaque de l'utilisateur lorsque ce dernier touche à l'une des branches. Il est également possible de passer d'un capteur à l'autre en tapotant deux fois. Un peu comme un iPod, finalement, c'est quand même bien. Les lunettes Sport Eyes seront commercialisées en novembre au prix de 199 $, qui inclut que le capteur cardiaque en plus de la monture. Mais ce que ça pourrait dire, ce que ça veut dire, c'est que là, pour l'instant, c'est des petites lumières sur le côté. Mais éventuellement, ça pourrait être un affichage, comme dans un jeu vidéo, qui apparaîtrait en texte dans ta lunette, ce serait ça. Et puis, il y a un speaker, il y a un haut-parleur. Pour pouvoir dire la fréquence cardiaque de la personne. Non, vraiment, quand même, une pas pire bonne idée. En tout cas, un bon début. Hein. Je sais pas si c'était peut-être pas le premier genre de gadget du genre, là, mettons. Je sais pas si c'est très pratique. Je sais pas. Allez voir la vidéo dans l'article là, si vous voulez en voir un petit peu plus de comment ça marche là. Un nouveau brevet maintenant du côté d'Amazon. Tu connais le commerçant en ligne, le magasin Amazon.com.ca, etc. Ouais. Il vient de déposer un brevet. Pour une carte cadeau assez différente de celle qu'on connaît. Cette dernière permet d'imposer des restrictions concernant les produits achetés avec le crédit disponible. Donc, on dit qu'offrir une carte cadeau, c'est facile, mais pas pour acheter n'importe quoi. Hein, si Amazon proposait prochainement à ses clients de restreindre les produits accessibles, c'est du moins ce qu'on peut penser à la vue du brevet qui a été validé le 25 octobre, baptisé « Personnalisation de l'utilisation d'une carte cadeau par son destinataire ». Le brevet explique que grâce à cette méthode, la personne qui offre le bon d'achat peut recommander certains produits au destinataire, mais peut également empêcher certaines catégories par exemple, mettons, tu donnes une carte cadeau à ton enfant, tu veux pas qu'il achète des jeux vidéo, tu veux qu'il achète des vêtements, tu précises dans la carte cadeau ce n'est que pour la section vêtements d'Amazon. C'est hein? pas fou quand même. Ouais. C'est plate pour la personne de la ouais, foi. C'est ça. Mais en tant que tel, l'idée est pas folle. Ah ouais. Parce que c'est ça, les parents qui ont de la misère, ils vont acheter une carte cadeau d'un magasin bien spécifique parce qu'ils savent qu'ils vont acheter au moins des vêtements parce que c'est un magasin qui vend que des vêtements. Alors que si tu donnes une carte cadeau des Rivières, il peut aller n'importe où, mettons. Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est un cadeau. Est-ce qu'il peut s'acheter ce qu'il veut? Ouais, mais c'est la personne qui donne le cadeau décide de, peut décider du cadeau autant qu'elle déciderait de t'acheter, ouais. mettons, un coffre d'outils et t'en rien à foutre. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. C'est comme acheter un cadeau physique, excepté que tu as au moins une catégorie de cadeaux. Ouais. Ce qui est déjà pas si pire, tu sais. Mm-hmm. Je sais pas, moi ça me fait plaisir quand même. Tant qu'à contraindre la personne Je sais pas. Va donc magasiner avec ça que tu veux. Non, ça, mais, ça pire. Mais à la limite, achète un exemple, un certificat cadeau pour Rivière, où il va pouvoir aller où ce qu'il veut. Ouais, mais Amazon, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus pratique. Non, t'as tous les produits que tu veux mais... du monde. Non, mais. Il y a bien des avantages à Amazon. Tu comprends ce que je dis? Ouais, je comprends ce que je dis. Sinon, c'est ça, ça disait que le commerçant semble s'intéresser de près aux différentes fonctions permettant de faire des cadeaux à partir de ses services. Ça dit que paradoxalement, ce brevet est radicalement opposé à un autre qui a été déposé à environ il y a un an, qui était la possibilité d'échanger un cadeau décevant avant son envoi. Hein? Genre, tu comprends-tu? Tu te fais donner un cadeau, ouais. mais tu vois l'avant-goût du cadeau par courriel, j'imagine. Tu sais, puis là, t'es déçu du cadeau, tu dis l'échanger. Envoyez-moi le pas, tu sais. Genre. Ouais. C'est un peu à l'opposé de l'idée. C'est bizarre, ça. Ouais. Ouais. Alors, on va rester avec... Non, on va changer pour Facebook, maintenant. Nouvelle sur Facebook, l'éditeur de sécurité Sophos vient de révéler une statistique intéressante et inquiétante. 600 000 connexions sur Facebook sont compromises par jour. Compromises? Compromises, en danger. Quand on sait qu'il y a 800 millions de comptes utilisateurs, et là, on parle de 600 000 connexions... qui ne marcherait pas. Donc, on peut mesurer l'importance de ce chiffre. Sophos révèle que 0,06% du plus d'un milliard de connexions réalisées au quotidien sont compromises. C'est une connexion pirate toutes les 140 millisecondes. D'où le renforcement de la sécurité par Facebook cette semaine. Le réseau social a dévoilé qu'il y a quelques jours à peine deux nouveautés du côté de la sécurité. La première est vraiment intéressante, ça concerne les amis. Facebook donne désormais la possibilité de définir des amis de confiance pour reprendre le contrôle de son compte si jamais un problème apparaît. C'est un peu comme donner ta clé à ton voisin ou à okay. quelqu'un que tu as confiance, okay. ta sœur, ta ça, mère. Ça s'appelle bien. Dans le fond, tu vas donner trois noms de personnes. Je sais pas si c'est combien. Je pense que je vais le lire à la place de l'article. Hein. Donc, si votre compte Facebook est compromis, piraté par une méchante personne, vous allez pouvoir contacter un de vos amis de confiance et demander un code qu'il aura reçu au préalable lors de sa certification. Facebook vous dit que ça équivaut à des clés qu'on remettra à des proches. Bon, donc cependant, vous définissez trois amis de confiance. Il faudra demander les trois codes. Donc, tu choisis trois amis que tu aimes vraiment beaucoup et qui ont fait ta confiance en eux. Eux, ils ont le code. Si jamais tu te fais pirater, Facebook va te demander les codes de tes trois amis. Les trois amis te donnent leur code et là, soudainement, ton compte est réouvert instantanément. Bonne idée, non? Mm-hmm. Et la deuxième nouveauté, la création d'un mot de passe spécifique pour des applications tierces comme Skype, Xbox, etc. Donc, ces deux nouveautés sont en cours de déploiement et si vous ne les avez pas encore, ça s'en vient. On va au iPhone maintenant. La fonctionnalité Slide to Unlock a été brevetée aux États-Unis. Tu sais, la fonctionnalité pour débarrer ton téléphone, là, tu dois mettre un doigt sur le petit bouton et le glisser vers la droite. Tu connais ça? Ouais. Ouais, sur Android, ils font la même chose, mais avec un morceau de casse-tête. Je trouve que c'est vraiment comme copié complètement sur le Slide to Unlock, donc peut-être qu'ils vont devoir payer Apple. Donc, la société vient d'être brevetée aux États-Unis par Apple, la fonctionnalité, pardon, conférant ces dernières l'exclusivité d'utilisation de celle-ci sur ses appareils mobiles. OK. Le Slide to Unlock pourrait se traduire par glisser pour déverrouiller. Merci beaucoup, branchez-vous. L'opération consiste à déplacer le curseur de gauche à droite. Déjà dit, saute des paragraphes, Mathieu, saute des paragraphes. Apple a débuté les démarches en vue d'obtenir ce brevet en 2005 et l'organisme en charge de l'émission et de la gestion des brevets aux États-Unis, la United States Patent and Trademark Office, a émis le brevet le 25 octobre. Cette fonctionnalité a été présentée en janvier 2007 lors du dévoilement du premier iPhone. Le numéro de brevet est le 80-436-71 et d'autres détails et documents sont disponibles sur le moteur de recherche en passant par l'article sur assemblagerequis.com. Donc, c'est ça, c'est tellement copié par Android que je vois pas comment il pourrait passer à côté. Ouais. Je sais pas si t'as vu, c'est vraiment littéralement un morceau de casse-tête. Tu le pognes à gauche, tu le transfères à droite dans un trou de casse-tête. Là. C'est exactement le même mouvement. Alors que, tu sais, sur d'autres téléphones, c'est différent. C'est comme une espèce de genre, il y a plusieurs points qui apparaissent à l'écran, puis là, tu dois faire un genre de dessin dans les points. Ça, je trouvais qu'au moins, c'était déjà une idée un petit peu plus, plus originale. Mais bon. Après les entreprises, ne resteront que les maisons. Hein. Google a commencé à publier des images prises à l'intérieur de certains commerces. Ah, ouais. Oui, les premières images de ce service sont apparues cette semaine. Depuis 6 mois, Google propose aux commerçants de prendre des photos panoramiques de leur établissement, si bien que les internautes peuvent y entrer virtuellement et en faire le tour. Ce sont les commerçants eux-mêmes qui doivent contacter Google pour se prévaloir du service, qui n'est pour l'instant à faire que dans certaines villes aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France, en Angleterre et au Japon. Google offre aux entreprises de rentrer chez elles dans le cadre du service Google Addresses. C'est Google Adresse. En anglais, c'est Google Places. Parce qu'il n'était pas capable de dire Google Endroit. Hein. C'est parce que Places, c'est plus que des adresses. Hein. C'est des endroits. Mais bon. Comme pour son service Street View, Google brouille les visages des gens qui se trouvent à l'intérieur. C'est en avril dernier que Google avait annoncé son intention de photographier l'intérieur des commerces. Moi, ce que je trouve qui serait intéressant, c'est justement des fois, tu n'as pas envie de sortir de magasiner ou tu veux savoir s'ils ont un produit. T'sais. Ce serait le fun d'avoir une vue live sur les caméras des magasins pour savoir s'ils ont le produit que tu cherches. Ce serait le fun, ça. Ou encore qu'ils numérisent les produits un peu comme dans certains magasins où tu peux voir l'inventaire via leur site web. Ça, j'aime vraiment ça. Ouais, pour les commerces qui ont beaucoup d'argent, parce que ça coûte quand même... Mais au moins, tu sais, avec ça, si tu peux voir à l'intérieur des magasins, tu peux au moins voir quel genre de produit qu'un magasin a. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment un très bon départ. Ouais. Pour moi. Une Québécoise est championne de Counter-Strike, championne mondiale, François. Une Québécoise et son équipe ont remporté la médaille d'or dans la discipline Counter-Strike féminin lors de la Coupe du monde des jeux vidéo qui s'est déroulée à Paris du 21 au 25 octobre. Stéphanie Harvey rêvait de devenir une joueuse professionnelle. Elle est maintenant payée pour jouer et voyage dans plusieurs destinations dans le monde pour faire des tournois en plus d'être conceptrice de jeux vidéo à temps plein pour Ubisoft à Montréal. C'est fun, ça. C'est une très bonne job, ça. Il y en a bien qui sont jaloux d'ailleurs. Ouais, mais oui. Counter-Strike, c'est quoi? T'as-tu déjà joué? Jamais, c'est pas mon genre de jeu. Un espèce de shooter, jeu de... Là. Ouais, c'est ce que je pense, mais en même temps... Jeu de massivement multijoueur, je pense, non? C'est pas sûr. Non, mais c'est tellement pas mon domaine, les jeux comme ça, par contre. C'est pas un Mario, moi, je connais pas ça. Après s'être fait connaître sur Internet, cette jeune passionnée de jeux vidéo a été couronnée 3 fois championne dans sa catégorie. Son équipe a été reconnue comme étant la meilleure équipe féminine de jeux vidéo de tous les temps. Lors de la dernière compétition. Elle joue à Counter-Strike entre 20 et 40 heures par semaine depuis plusieurs années, mais Stéphanie considère toujours ce jeu parmi ses favoris. Adepte des jeux d'aventure et d'action, elle affectionne aussi Assassin's Creed et Mass Effect, tous deux conçus par des firmes montréalaises. C'est bien ça. Comme vous avez vu, on a transitionné vers les jeux vidéo pour les dernières nouvelles. On parle de la Kinect maintenant. Premier virus pour Kinect, François. Ah ouais. Pour commencer, il ne faut pas paniquer. Le malware dont il est question ici, conçu par un jeune informaticien de seulement 15 ans, faisait partie de Malkon Research Labs. Il fait office de démonstration des risques courus et ne part que si l'accessoire est connecté à un PC. Mais que fait-il exactement ce code malicieux baptisé God? Eh bien, il espionne l'utilisateur et son environnement au sens strict du terme, puisqu'il prend en photo et poste l'image sur un compte Picasa. Un compte de à ton insu. Là, évidemment, c'est avec ton insu parce que c'est branché sur un PC, mais si ça devenait fait autrement, que ça pourrait fonctionner sans PC, ça pourrait devenir à ton insu. Sans ton insu. C'est à ton insu, c'est à ton insu. C'est quand tu le sais ou quand tu le sais quand pas? Quand tu sais pas. OK. À ton insu. Ouais. Ah. Ça a l'air bizarre comme à ton insu. Bref, on dit que God peut lancer n'importe quelle application lorsque certains mots sont prononcés à portée de micro. Hein, ça, c'était peurant quand même. Le virus en question a été développé dans le cadre d'une recherche proactive, donc dans le but d'évaluer les risques, mais la chose reste passablement inquiétante, d'autant que sa conception n'a rien nécessité de plus exotique que le kit de développement officiel de l'accessoire et de 2 pilotes. Voilà, pilote et driver. On se comprend. Parlons de Nintendo maintenant, qui subit d'énormes pertes durant la première moitié de son année fiscale 2012. Ah ouais. Même si elle a vendu plus de 6 millions de consoles Nintendo 3DS, Nintendo ne baigne pas dans l'argent. Contrairement à la blague d'il y a quelques temps, c'est une grosse blague sur Internet, tout le monde possédait des DS avec de l'argent qui sortait de dedans, puis ça disait « ça réimprime de l'argent ». La DS, elle imprime de l'argent, c'est bien drôle. Mais en fait, la firme vient de subir d'importantes pertes lors de la première moitié de son année fiscale 2012, qui se termine le 31 mars prochain. Ainsi, au cours de cette période, la firme japonaise rapporte des pertes s'élevant à pas moins de 70,29 milliards de yens, soit 927 millions de dollars américains. Moins impressionnant quand c'est des millions et des milliards, mais quand même. Il s'agit des pires pertes enregistrées par Nintendo depuis près de 30 ans. Nintendo attribue ses pertes massives à 3 facteurs. Premièrement, elle blâme la diminution des ventes de consoles et de jeux, évidemment en fin de vie de la Wii. On peut s'entendre que le prochain modèle s'en vient bientôt. Ensuite, la baisse de prix de ces consoles, dont la Nintendo 3DS, qui a eu un impact direct sur les profits. C'est sûr que peut-être qu'ils ont vendu plus de consoles, ils ont atteint quand même le 6 millions, mais avec moins d'argent sur chaque console, ça fait moins de profits. Ouais. Bon. Finalement, la force du yen par rapport à l'euro et au dollar américain a eu un impact négatif sur la compagnie. Comme toutes les autres firme japonaise. En conséquence, Nintendo a revu à la baisse ses prévisions pour l'année fiscale 2012. Elle s'attend désormais à générer des ventes nettes de 790 milliards de yens plutôt que 900, telles qu'elle avait annoncé lors de ses prévisions antérieures. Elle prévoit aussi enregistrer des profits d'opération de l'ordre de 1 milliard de yens plutôt que de 35 milliards. 35 milliards, 1 milliard. C'est différent. C'est différent, ça. À peine remarquable. des nouveautés pour la eShop sur la Nintendo 3DS, justement. Lors d'une autre présentation à ses investisseurs, le président de Nintendo, Satoru Iwata, a dévoilé les nouveautés à venir pour la eShop du Nintendo 3DS. D'abord, en novembre, les compagnies vont pouvoir offrir du contenu téléchargeable pour leurs jeux, du downloadable content, du DLC, c'est très très bien. Ensuite, les éditeurs vont pouvoir offrir des démos, enfin, François, des démos de jeux. Parce qu'à un moment donné, quand tu dois payer des fois 5-10$ pour un jeu, alors que tu sais, sur un iPhone, c'est une pièce ou deux, tu t'en fais pas trop avec ça. Ouais. Mais pour 10$, 15$, 20$, à un moment donné, un démo, c'est pratique. Hein? Ouais. Je trouve que c'est une très bonne idée. Il va aussi pouvoir, la 3DS va pouvoir continuer de télécharger des choses en mode veille. Donc, la console fermée va pouvoir continuer de télécharger. Excellente idée. Iwata a aussi indiqué que la eShop sera éventuellement accessible sur un ordinateur et sur un téléphone intelligent. Donc, on va pouvoir queuer, mettre en queue, en fil, si on veut, des téléchargements pour pouvoir les prendre sur ta 3DS après. Encore une fois, fantastique. Et il va être possible de naviguer la boutique ailleurs que sur sa console. Magasiner un peu sur grand écran parce que sur la 3DS, là, eux, ils ont voulu rendre ça très, très, très simple, OK? Comparé à la PSP, où quand tu vas dans la boutique de la PSP, tu peux voir 5 ou 10 jeux à la fois, lire les résumés, regarder des affaires, tu sais. Sur la 3DS, c'est un bouton par jeu, parce que vu que c'est tactile, ben gros, ils veulent un gros bouton, là, tu sais. C'est fatigant d'avoir à tasser. Moi, j'en... Plus c'est long de chargement. Ah, c'est long, hein? Ah non, j'aime pas ça. Faut que tu saches quel jeu tu veux, t'sais. Moi, je vais genre sur Internet, sur des blogs, je vais chercher les jeux que je trouve qui ont l'air cool, je regarde des vidéos sur YouTube, puis si je l'aime, je vais l'acheter parce que je sais son nom, je marque le nom, puis je le trouve. Ouais, c'est ça, puis ça va plus vite. C'est ça. Bon. Il nous reste une dernière nouvelle. Il y a plusieurs anniversaires cette année. On se rappelle, je ne mentionnerai pas tous les anniversaires qu'il y a eu, mais il me semble qu'il y a eu Donkey Kong, Sonic, Mario, depuis les dernières années, tout plein d'anniversaires de séries de jeux vidéo connus. Mais Alex Kidd a 25 ans aussi, on n'en parle jamais. Alex Kidd, je t'en parle. La carrière d'Alex Kidd aurait-elle été aussi brève à cause de Sonic? Avant 1991 et le phénomène du hérisson bleu Sonic, Alex Kidd était l'une des stars de Sega, riche de 5 épisodes sortis sur Master System. Ça, c'est la Genesis, si je me rappelle bien. Non, sur Master System et le 6e sur Mega Drive. Je crois que Mega Drive était la Genesis, mais c'est tellement mêlant que les noms européens, en tout cas. Mais le bonhomme qui aimait se goinfrer de hamburger s'éclipsa vite au profit de l'actuelle mascotte Sonic du constructeur américano-japonais. C'était donc il y a 25 ans. L'épisode le plus marquant fut sans doute le tout premier Miracle World, sorti en 1986, marquant pour l'Arctique, parce que moi-même, j'ai jamais joué à cette série-là. Et ce fameux boss qu'il fallait battre au jeu de Shifumi, je connais pas du tout. On se souvient du côté hardcore du titre, assez rigide, donc c'était difficile comme jeu. Ça exigeait un timing ultra précis, que ce soit à pied ou en véhicule. Donc on pouvait jouer avec une moto ou un hélicoptère. Suivons d'autres opus dans lesquels Alex Kidd visita notamment l'univers de Shinobi ou enfourba un vélo dans la BMX Trial, sans succès. L'unique volet Mega Drive ne sera pas non plus une réussite et on verra plus jamais Alex Kidd, héros de jeux vidéo. Par contre, il apparaît régulièrement dans les compilations de Sega ou plus récemment en personnage jouable dans Sonic and Sega All-Stars Racing. C'est le jeu de course Mario Kart, mais avec Sonic, là. Il est là-dedans. OK, j'ai jamais vraiment joué, moi, ça. Non, ben, j'ai jamais vraiment été un gars de Genesis, ouais, toi. Ouais, c'est ça, moi non plus. Ben, c'est ça, on est Nintendo, toi? Ouais, moi, j'ai commencé au Super Nintendo. OK, ben, moi, j'ai commencé à la NES, mais ouais, Nintendo, c'est pas mal notre vie à nous. Il y a beaucoup de gens qui sont Genesis, plus qu'on le pense, mais je sais pas, moi, j'en connais. Moi, j'en avais pas. Moi non plus. Mon cousin en avait un. Bon. J'ai joué à Sonic une couple de fois quand j'étais jeune, mais sinon, j'ai plus appris à réaimer Sonic dans le genre le passé plus récent. OK. Je recommence un petit peu à jouer, mais pas trop. T'en as? T'en as une? Non, j'en ai pas, mais maintenant, les jeux de Sega, les Sonic sont sur d'autres consoles aussi. Là. Tu peux avoir les jeux de Sonic sur la Wii. OK. Mais est-ce que Sega a fait faillite? Non, ils sont rendus juste éditeurs de jeux. Ils n'ont plus de consoles de jeux vidéo en tant que tel. Okay. Mais c'est ce qui est bien. Est-ce qu'ils veulent revenir? Ou? Pour les consoles, je pensais pas qu'il y avait. Ça me surprendrait. Les analystes pensent que non, eux non plus, mais je sais pas. Ça pourrait, peut-être éventuellement, mais je penserais pas. Allez voir un vidéo clip, en fait, gaming live d'Alex Kidd dans Miracle World sur assemblagerequis.com. Il nous reste seulement les nouveautés en magasin. François, on est mardi. Chronique extra super size long aujourd'hui, mais c'est normal. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui? On a sauté des affaires, des jours. Qu'est-ce qui sort aujourd'hui? Excellente question, Caroline. C'est comme si tu me voyais venir avec un jeu de Sonic. Non. Qui sort aujourd'hui? Et j'ai très, très hâte d'y jouer. Pour vrai, c'est en regardant ces vidéos de Sonic Generations là que j'ai comme eu envie de rejouer à Sonic. Parce que c'est comme un genre de... c'est un nouveau jeu original, mais qui reprend des tableaux classiques de tous les jeux Sonic du passé. Le premier du premier Sonic, mettons, les jeux plus en 3D ou en profondeur, où tu faisais des courses de genre de skate ou des trucs comme ça. Je sais pas si c'était du skate, mais en tout cas, des affaires comme ça dans toutes les générations de jeux, c'est vraiment super bien. En tout cas, les vidéos ont l'air bonnes. J'ai pas vu les critiques encore. Ouais. Donc, sur multiplateforme, Sonic Generations sur Xbox 360 et PS3 par Sega. Lord of the Rings, War in the North sur Xbox 360, PS3 et PC. GoldenEye 007 Reloaded sur Xbox et PS3, François. Nouvelle version de GoldenEye. Ouais, ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça, en fait, je sais pas, ça a l'air de quoi, par exemple. Hein? Est-ce que t'es un fan de GoldenEye? Oui, j'ai joué au Nintendo 64 et c'était formidable. C'était le jeu. Au Nintendo 64 C'est vraiment ce que tout le monde dit que c'est le jeu le plus apprécié sur Nintendo 64. Moi j'ai joué une fois, j'ai pas été capable. Je suis pas capable de jouer dans un jeu où tu joues dans les yeux de la personne. Non? Pas capable. Alors, ça me donne mal au cœur. J'ai joué à Mirror's Edge récemment, que j'ai vu des extraits sur vidéo. Ouais, qui avait gagné le jeu de l'année en je sais pas quoi. C'est ça, ça avait l'air malade. C'était tellement mon genre de jeu quand j'ai vu les vidéos puis là en saute jouant. Et puis. Non, pas capable. Je comprends rien. Je suis pas capable de me situer dans les yeux de la personne puis de me battre avec des gens de trop près. Faut que je sois de loin, faut que j'aie une vue à la deuxième ou troisième personne. Ouais, quand même de loin. Là. Mais bon, chacun ses goûts. Cabela's Survival, des jeux de chasse, des affaires-là. Shadows of Katmai sur Xbox 360, PS3 et PC. En fait, je sais pas si c'est un jeu de chasse, je sais que les jeux de Cabela d'habitude, c'est Dangerous Hunt, puis des affaires là-même, c'est un jeu de chasse. Comme. Family Game Night 4, jeu de famille, des petits jeux de société, ça s'appelle The Game Show Edition sur Xbox, PS3 et Wii, et Generator Rex sur 3DS et DS, Motion Sports Adrenaline sur Xbox et PS3, NASCAR Unleashed sur Xbox, PS3 et Wii, et NCIS sur Xbox 360, PS3 et Wii, ça c'est l'émission de télé NCIS, je sais pas si t'as vu, ça joue à vie, ça. Ouais, j'ai vu, j'ai pas écouté, j'ai vu. Même chose pour moi. Il nous en reste juste quelques-uns à peine. Là. On partira même pas en musique, ça va pas à peine. Sur Xbox, Auto Medisu Excellent, Team Omizumi et Twister Mania. Les trois, je les connais pas. Sur PS3, Uncharted 3, quand même un gros jeu, Deception. Ouais. Sur Wii, Trivial Pursuit, le jeu de société, les arpents de piège, là, Bet You Know It sur de Electronic Arts. Et You Draw Disney Princess, un jeu avec la petite planche à dessin, mais pour des princesses de Disney, là, sur Wii. Sur 3DS, James Noir's Hollywood Crimes. Sur DS, Disney Princess Enchanting Storybooks et Dora and Kailan Pet Shelter. Il y a en sorti des jeux par rapport à ça, ouais, DS. Et sur PSP, Fate Extra de Exceed Games. Voilà pour les nouveautés en magasin. Et on termine avec du chiptune. Comme toujours, on se dépêche. On va entendre une pièce de l'artiste PDF Format. C'est Air Cute, une chanson qu'il n'avait jamais uploadée avant, mais qu'il a toujours adoré de sa propre collection. C'est quand même le fun quand un artiste dit qu'il adore sa propre pièce. Donc la voici. Ça doit être bon. Hein? PDF Format, Air Cute, Cynix, 89 FM. dash.com. Après la pause, les chroniques de mercredi et jeudi à CNX.zip. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Vous êtes toujours à l'écoute de CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio, et parle de même l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans Assemblage Requis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. On continue à l'instant, voici la chronique de mercredi. Mercredi. La chronique CNX, la chronique la plus geek de la radio. C'est bien elle. C'est bien elle. On commence avec un petit peu de nouvelles de Google, François. Le magasin de livres numériques du géant californien est maintenant disponible pour les Canadiens. Lancé en décembre 2010 aux États-Unis, le e-book store vient faire concurrence à Amazon, à Apple et Chapters, déjà implantés dans ce secteur au pays. Le magasin est accessible sur books.google.ca/ebooks. Google affirme que des centaines de milliers de titres seront désormais offerts aux Canadiens, en plus des 2 millions de livres du domaine public qui sont disponibles gratuitement sur le web. Google croit que les Canadiens devraient avoir accès aux livres qu'ils veulent, devraient pouvoir lire ces livres sur l'appareil qu'ils veulent et devraient pouvoir acheter des livres de la librairie qu'ils choisissent. Une recherche rapide sur le catalogue en ligne de Google permet de constater que pour l'instant, peu de titres populaires en français sont disponibles, mais des titres en anglais. Ça risque de venir. Mais c'est quoi l'espèce de partenariat entre Google et Apple? Pardon? Non, il venait. Ça va faire concurrence à Apple. Ah, OK. Dans le fond, avec leur bibliothèque de livres électroniques, le iBook Store. Eux, c'est le e-book store, la lettre E pour Google, okay. Alors que chez Apple, c'est la lettre E. Ah, OK. Voilà. Donc, vous allez pouvoir, si vous allez sur le lien books.google.ca/ebooks, vous pouvez télécharger des livres pour les téléphones Android, les tablettes Android, les iPhone, iPad, iPod Touch, sur le web directement ou encore pour un lecteur électronique de différentes compagnies. Voilà. Passons maintenant à la télécommunication, en fait la communication télépathique, qui serait plus près qu'on le pense. OK. Ça nous dit ici, si vous pensez que le contrôle par la pensée est impossible, détrompez-vous. Les récentes découvertes de l'Université du Minnesota semblent montrer que c'est pour bientôt. Le professeur Ben Louis et ses collègues ont été en mesure de tester la capacité de sujet de contrôler un hélicoptère numérique dans l'espace tridimensionnel virtuel en utilisant la puissance de la pensée. Le contrôle du cerveau a été enregistré en utilisant des électrodes fixées au chevelu. Au cuir chevelu, j'imagine qu'il voulait dire. La découverte est incroyablement prometteuse, écrit dans The Economist, et je cite, « Voilà qui est intéressant et utile. Lire dans la pensée de cette manière permettrait aux handicapés de mener une vie plus normale et les personnes valides d'étendre leur gamme de possibilités encore plus loin. Mais il y a une sorte de télépathie, la détermination par le scanning du cerveau de ce que quelqu'un est réellement en train de penser. » Mais il y a une autre sorte de télépathie, la détermination par le scanning du cerveau, quoi? De ce que quelqu'un est réellement en train de penser. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Cette sorte de lecture de l'esprit est moins avancée, nous dit-on, mais elle viendra comme le démontrent trois articles récemment publiés. La première expérience dont il est fait état dans ces articles est une tentative pour étudier les rêves. La seconde expérience consiste à tenter de reconstruire une image de ce que l'observateur regarde. Et dans une troisième expérience, une tierce personne tente de dire ce que quelqu'un pense. D'accord. Bien que l'utilisation de l'esprit pour contrôler les appareils numériques n'est pas nouvelle, les applications sont importantes dans plusieurs sphères d'activité. Vous pouvez voir une vidéo de l'équipe de l'émission Prototype This de la chaîne Discovery à la télé qui a créé une voiture contrôlée à l'aide d'une boucle de biofeedback. J'irai pas jusqu'à aller me renseigner sur qu'est-ce que c'est exactement. Ça a l'air un peu compliqué ce matin. C'est ça, mais ça a l'air intéressant quand même. Bon. Une autre avancée technologique maintenant, des chaussures GPS. Conçues pour assurer la sécurité des aînés en perte d'autonomie à cause de la maladie d'Alzheimer, ces chaussures GPS pourraient sauver des vies, mais en même temps, c'est plutôt épeurant comme concept, vous allez voir. Il s'agit d'une chaussure de sport qui, en apparence, n'a rien de spécial, sauf qu'elle cache un GPS, ce qui fait qu'on peut, à l'aide de l'ordinateur, définir un périmètre à l'intérieur duquel les chaussures ont le droit de se trouver. Si le porteur sort du périmètre pendant un épisode de confusion, une alerte se déclenche, ce qui permet de lui venir en aide avant qu'un accident ne se produise. Les premiers exemplaires seront mis en vente très bientôt aux États-Unis. Ça coûte 300$ la paire. On peut s'attendre à ce que certaines boutiques spécialisées en aient, peut-être des établissements de santé. Comme un chien, tu sais. Comme une affaire de chaussures de chien. Ouais, c'est bizarre. Pas sûr. Non, moi non plus. Pas sûr. On passe chez Apple maintenant après les problèmes d'antenne du iPhone 4. On se rappelle l'année passée. Et des problèmes. Maintenant, il y a des problèmes de pile avec le iPhone 4S. Parlons-en. Les forums de discussion sur le site web d'Apple foisonnent de commentaires de clients d'iPhone 4S sur la durée de vie de la pile du téléphone. Beaucoup se plaignent que la pile de l'iPhone 4S semble s'épuiser rapidement, même quand il n'utilise pas beaucoup l'appareil, et même après avoir fermé certaines des caractéristiques énergivores qui pourraient affecter les performances des piles. La durée de la pile de mon iPhone 4S est terrible, dit une personne sur le forum. On parle de combien de temps ici? Une baisse de 10 à 15 % de batterie par heure. Le tabarouette. C'est ça. Il a débranché son téléphone à 8h20 le matin. Il est rendu midi 15, selon le gars, et sa pile est rendue à 53%. Entre 8h20 et midi 15. Hein? Et là, il y a presque tout éteint ce qu'on pouvait éteindre dans le iPhone. Pour l'instant, Apple dit rien. Souvent, Apple attend pour se prononcer sur des questions comme ça après plusieurs jours d'enquête. En attendant, les clients iPhone sont laissés à eux-mêmes pour ce qui est de la résolution de ce problème. Le Guardian a rapporté que certains clients de l'iPhone avaient vu s'améliorer la durée de la pile en coupant une fonctionnalité qui s'appelle réglage du fuseau horaire automatique, qu'on trouve dans les réglages. Cette fonctionnalité ajuste automatiquement les paramètres de fuseau horaire de l'iPhone quand un utilisateur se déplace, et apparemment que désactiver l'option signifie que l'horloge sur le téléphone ne sera pas modifiée. Par contre, c'est que ça va arrêter de chercher parce qu'il y a comme un bug là-dedans, ce qui paraît. Il cherche tout le temps, voir si à quelle place t'es. C'est exactement ça. Ah, ah, ah. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est bizarre aussi parce que mon téléphone, moi j'ai un 3GS et puis c'est arrivé, vois-tu, l'été dernier. Du jour au lendemain, là, je fais rien, je joue pas dans mes options, rien. Et ça se met, là, je le débranche le matin, là, et puis le soir, il est mort. Wow. Ouais. Puis, tu sais, je suis pas tout le temps dessus en train de jouer non-stop toute la journée. Ouais. Là. Ça, c'est le genre de choses qu'il va falloir pour faire changer ta pile, que tu ailles le porter dans un Apple Store. Faut que tu sois sur la garantie, sinon ça coûte de l'argent. Mais c'est ça, en fait, j'avais appelé où je l'avais acheté. Ouais. Le gars, il dit OK, il dit ouais, ramène, ouais. C'est garanti, il n'y a pas de problème. Fait que je dis écoute, attends un peu, je vais checker demain. Puis en fin de compte, ça va et ça vient. C'est intermittent. C'est intermittent, c'est vraiment très bizarre. C'est vraiment, vraiment très bizarre. Étrange. Et puis, je sais pas c'est quoi, comme je te dis, j'ai pas joué, je joue pas avec les push, non? Comment t'appelles ouais, ça? Ouais, le push notification, les messages sur un courriel, ça va te l'envoyer directement. Ouais, ouais, c'est ça exactement. T'as tout le temps des avertissements, ce truc-là. Là. Non, non, non, ça, à ce niveau-là, ça va bien. C'est, pas ça. Et puis, c'est vraiment très bizarre. Étrange. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Sinon, oui, t'avais autre chose? Non, mais je trouve ça plate, en fait. Ben, c'est dommage. Ouais, mon téléphone coûte aussi cher que ça. Ouais, puis il est neuf. Ouais, c'est ça. Il est neuf pour le 4S. Là. Mais ouais, exactement. Exactement. Mais le problème c'est va être réglé, c'est sûr. C'est sûrement dans le logiciel, c'est peut-être même pas l'appareil. Moi, je pense qu'un patch du système d'exploitation va être bien en masse. Sauf que des fois, ça peut prendre du temps. Continuons avec deux dernières nouvelles de jeux vidéo. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui se passe, comme vous le voyez. Electronic Arts a annoncé un nouveau système de trame sonore personnalisée dynamique qui va être introduit dans SSX, le jeu vidéo SSX, au début de 2012 et qui devrait être utilisé dans plusieurs autres jeux futurs de la compagnie. Ça s'appelle Harmony et le système va permettre aux joueurs d'importer leur propre musique. Mais non seulement ça, parce que ça se faisait déjà. Mais par la suite, le jeu intégrera dynamiquement ses chansons dans le jeu en temps réel. Par exemple, quand le planchiste, mettons dans SSX, c'est un jeu de... C'est le Snow, ça? SSX, c'est du snow, ça? Moi, je pense que oui, là. SSX? Il semble que oui, snowboarding video game. C'est exactement ça. Je m'y connais en sport, là. donc, quand le plancher va descendre à toute vitesse, le volume de la musique va s'ajuster automatiquement afin que le joueur puisse entendre le son du vent et de la glisse sur la neige. Donc, en temps réel, ça va calibrer ta musique, tu sais. C'est bien quand même. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est une bonne idée. Et on termine avec une nouvelle qui est tellement pas importante, mais qui, moi, me rend très, très heureux. Le casting de Mario Kart 7, qui sort sur la 3DS au mois de décembre, le 4 décembre, il n'est toujours pas entièrement connu, mais on a appris hier, par l'intermédiaire du magazine Nintendo Power, que la chenille Wiggler, qu'on croise dans Mario Kart Wii, entre autres, mais qui était juste sur la route, et la reine des abeilles dans Mario Galaxy vont rejoindre les habitués de la série. Et Metal Mario, de entre autres Super Smash Bros., et le premier, dans le fond, Mario 64. Il y a aussi le nuage là qui suit. Tu sais, le petit nuage dans Mario Kart qui te sort de l'eau. Ouais. Ben, tu vas pouvoir jouer avec lui. Avec une canne à pêche. Ouais, c'est ça. Mais tu vas conduire le nuage. Oh, ouais. Ouais. Oh. On ne sait pas, bien. Évidemment, qui va te repêcher dans l'eau maintenant si le nuage est sur la piste. S'il y a de l'eau. Ah oui, il y a de l'eau. Dans Mario Kart 7, tu vas pouvoir même aller sous l'eau avec ton auto. Oh, ouais. C'est une des nouvelles variations du jeu. Il y a le delta plan, la conduite à l'intérieur des yeux du personnage et l'eau. Que tu n'es pas capable de jouer. Moi, j'ai ça, mais bon. Il y en a comme ça. Et ça sort pas mardi prochain, l'autre? 4 décembre, non. Et 4 décembre? Mardi prochain, l'autre, là, c'est Super Mario 3D Land. Là. C'est le nouveau Mario de plateforme qui sort le 13 novembre. Ouais, je pensais que c'était en même temps, non? Non, 4 décembre. 4 décembre. Je les ai réservés les deux. Ah ouais? Ouais. J'ai tellement hâte, je vous en reparle, c'est certain. Toi, à la 3DS? Ouais, 3DS, ouais. Les deux, ouais. Mais à la Wii, ils sortent pas en même temps, non? C'est pas non. C'est totalement autre chose? Ouais, c'est ça, ça va être cyclique. J'imagine qu'il n'y a pas encore eu d'annonce, si je me rappelle bien. Attends, je me trompe. Il y avait eu une vidéo de Mario Kart pour la Wii U, la nouvelle console de Nintendo qui va sortir probablement minimum l'été prochain, qu'on avait dit, je crois, les dates. Il me semble que c'est l'été prochain ou les fêtes, en tout cas. Mais ouais, ça s'en vient, mais c'est sûr que là, pas sur la Wii. Là. Non? C'est fini. Là. C'est fini, il n'y a plus de jeux? Non, ben oui, il va y avoir encore des jeux, mais pour l'instant, ils ont changé, ils ont sorti le nouveau modèle, genre que tu mets à plat à l'horizontale de la Wii. Là. quand ils sortent une variation finale d'une console, Nintendo fait tout le temps ça à chaque génération. Ah, mais tout le monde fait ça aussi. Toutes les compagnies Sony. PlayStation, il est rapide, ça devient. Exactement. Donc, quand tu arrives à cette dernière variation-là, ça achève. Ça achève vraiment. Tu sais, il avait sorti le petit Game Boy Micro de même, tout petit. Hein. Il avait sorti la NES en genre de grosse affaire, la Super Nintendo. Toute la gang, non, c'est fini. Ouais. Mais il y a encore des jeux qui s'en viennent, c'est sûr et certain là-dessus. Jusqu'à la dernière minute et peut-être même après. Ça arrive. Ouais, pour les nouvelles, vraiment, petite journée de nouvelles en ces dernières 24 heures, de mardi matin à mercredi matin, mettons. Ouais. Ouais. On va y aller avec un petit peu de chiptune. Évidemment, c'est l'artiste Downstate avec la pièce Pollock Painted Her Face dans la collection NX. C'est compliqué comme nom, hein? Pollock Painted Her Face. C'est relax. Moi, j'aime ça. Ça va me mettre... Je vais retourner me coucher, tu sais. En robe de chambre. Néostrand, pantoufles. Aujourd'hui, dans la chronique SNX, c'est évidemment la chronique la plus geek de la radio. On a plein de nouvelles pour vous très intéressantes. On commence avec Facebook. Mm-hmm. Ouais, des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique ont créé de faux profils Facebook avec lesquels ils ont réussi à voler des informations personnelles à de vrais membres. En créant 102 profils dotés de photos et de statuts qui semblaient légitimes, les chercheurs ont envoyé 5053 demandes d'amitié à des membres de Facebook. En 6 jours, 976 personnes avaient accepté ces demandes, un taux de succès de 19,3%. Déjà. Par la suite, les chercheurs ont envoyé des demandes aux amis de leurs amis, obtenant alors un taux de succès de près de 60%. Donc, tu sais, quand t'as des amis... En commun. Ça va mieux. Ça fonctionne pas mal toujours, ça. Plus une personne avait d'amis sur Facebook, plus elle était susceptible d'accepter la demande d'amitié d'un de ces robots. Environ 250 gigs de données personnelles ont été volées à plus de 3000 personnes au cours de l'étude, parmi lesquelles figuraient 500 000 dates d'anniversaire et 50 000 adresses de courriel. Pour parvenir à leur fin, les chercheurs canadiens ont créé un réseau zombie de faux profils Facebook, à l'image des réseaux d'ordinateurs zombies qui servent à transmettre des virus informatiques. Ces réseaux sont appelés des social bots, donc robots et social. Hein? Pas besoin d'expliquer. Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont créé 102 de ces social bots qui étaient contrôlés par un logiciel. Leur statut était généré automatiquement en allant chercher sur le web des citations de gens connus. Le système de défense de Facebook a fait pâle figure dans ce test, n'ayant réussi à identifier que 20% des profils conçus pour voler de l'information. Le réseau social a réagi en qualifiant la recherche de peu éthique. C'est ça que tu dis hein, quand tu te fais prendre à avoir un logiciel qui n'est pas très, très sécuritaire. À ces conditions d'utilisation spécifiques, il est interdit de créer de faux profils, une interdiction qui risque peu de décourager les fraudeurs. De leur côté, les chercheurs assurent que toutes les données collectées dans le cadre de l'étude ont été encryptées puis détruites. Okay, c'est aussi facile à dire, mais ça se pourrait. En tout cas, bref, sachez, à un moment donné, peut-être pas accepter les demandes de gens que vous connaissez pas. Ça, c'est un bon conseil à donner. Ouais, exact. Quand même. Mais des informations, là, quand on parle d'informations, en fait, là, qui peut mettre en péril ta sécurité. C'est quoi? Ça prend juste une date de naissance? C'est ton courriel? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? J'imagine. Ben, au moins, c'était la date de naissance puis le nom de la personne. Ça doit être assez facile de trouver son des informations additionnelles, comme peut-être son adresse ou des trucs comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui laissent leur numéro de téléphone aussi sur leur profil Facebook. Ouais. Plein de choses comme ça. Puis tu sais, si à un moment donné, t'es dans la barre à gauche de Facebook, tu peux marquer, tu peux choisir qui est dans ta famille. T'sais, mettons ta soeur, ton frère, ta mère. Ok, ouais, cousin, toute la patate. Ben, si ta mère est dans tes amis, puis que tu peux juste aller mettre le nom de quelqu'un sur son adresse courriel, puis la question de sécurité de ton compte courriel, c'est quel est le nom de famille de ta mère. Ok, ouais, je vois. Tu sais? Ouais. Je vois. C'est pas très sûr et très sécuritaire. Parlons de Google un peu. Le groupe Internet américain Google a présenté mardi, un rafraîchissement de sa messagerie gratuite Gmail, censé apporter plus de clarté dans le classement des courriels et fournir de nouveaux outils pour les publicités apparaissant à l'écran. L'as-tu vu, François? Non. Si tu vas sur ton compte Gmail, en bas à droite, il y a un petit bouton Nouvelle interface. Ça vaut la peine. Moi, j'aime beaucoup. La nouvelle formule révise le classement par conversation afin de plus facilement identifier les intervenants. Donc, tu peux ouvrir et fermer chacun des messages dans une conversation à la place de devoir faire dérouler tout pour tout voir la conversation. Tu sais, dans Gmail, tes messages sont tout le temps par conversation quand tu fais les replies. Google propose aussi plus d'options pour contrôler le type de publicité qui apparaît sur ses pages. Vous voulez pas voir d'encart spécialisé, c'est votre choix. D'accord. Des liens sur la page Gmail et sur le moteur de recherche Google permettront aussi de découvrir pourquoi cette publicité apparaît sur l'écran de l'internaute afin qu'ils comprennent pourquoi les algorithmes de Google l'ont désigné pour recevoir telle ou telle publicité. Il serait aussi possible de moduler le type de pub qui apparaît. Je sais pas pourquoi ils s'attardent autant sur les publicités, parce que moi, c'est vraiment pas les choses que j'ai remarquées le plus sur mon Gmail, et l'article est complètement là-dessus. On va y aller sur mon Gmail, voir. Tu peux maintenant redimensionner le chat, j'aime vraiment ça, et tu peux le faire disparaître aussi, c'est parfait. Il y a des nouveaux moteur de recherche. Si tu tapes, disons je tape Simon Fitzbé à la place dans ma barre de recherche, à la place de taper Simon Fitzbé, je peux cliquer sur la petite flèche qui va faire dérouler tout ça vers le bas, et là je peux chercher vraiment quel courriel provient de telle personne, était envoyé à telle personne, le sujet, les mots dans le courriel au complet, s'il y a un attachement, les dates de ces trucs-là, donc tu peux chercher beaucoup plus facilement les messages. Et ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux remplir ce formulaire-là et cliquer sur « Créer un filtre ». Attends un peu, je comprends pas ton truc de recherche. Là. Okay. Exemple, je marque Mathieu Plante. Okay? Ouais. Okay. Parfait, dans ma barre de recherche, là, bon. Je fais « Enter ». Ben, normalement, tu ferais « Enter », mais à la place de faire « Enter », il y a une petite flèche qui apparaît à côté de la loupe. À gauche de la loupe, vois-tu? OK. Bon, clique là-dessus. C'est vrai que ça pourrait être beaucoup plus évident comme bouton. Okay, mais clique dessus, il y a un formulaire qui apparaît, tu peux le remplir. Ouais. Et là, tu vas pouvoir chercher, mettons, dans de le sujet. C'est objet. Ça. Ou sinon, si tu fais créer un filtre, mettons que tu reçois beaucoup de spam de tout le temps la même compagnie. Écris le nom de cette compagnie-là dans le from, fais créer un filtre à partir de cette recherche et tu recevras plus jamais de message de ça. Tu pouvais faire des filtres avant, mais là, c'est beaucoup plus simple. C'est très, très bien fait, je trouve. OK. C'est parfait. Tu peux aussi plein d'autres petits trucs là, qui étaient disponibles depuis le mois de juillet, parce qu'il était en bêta depuis le mois de juillet. L'interface, le look, pas les fonctionnalités, mais le look rouge et tout ça. Là. Mais tu pouvais aussi séparer verticalement ou horizontalement tes messages pour pouvoir avoir une vue à la Outlook Express. Là, genre. Et puis, il y a des nouveaux thèmes avec des photos en haute définition. Donc, allez voir si vous n'êtes pas encore sur Gmail. Allez donc dessus. Hein? Et arrangez-vous avec ça. Créez-vous une adresse, simplement. Ben, c'est là, ça. Fini Hotmail. Sérieux, c'est du passé. Oh, ouais, c'est pour vraiment. Les losers. Non, mais c'est pour les... Non, c'est pour les gens, en fait, qui sont plus ou moins au courant. C'est là. Ça. C'est pour les gens qui connaissent pas trop ça. Hotmail, c'est comme le choix par défaut. Ça. Comme Windows, finalement. Voilà pour Gmail. D'ailleurs, il y avait une autre petite nouvelle sur Gmail. Je vais pas lire l'article au complet parce que c'est pas super intéressant, mais l'application Gmail de Google pour les appareils mobiles d'Apple, donc iPhone, iPad, iPod Touch, a été attendue depuis longtemps. Elle a été mise en ligne sur le Apple Store et a été retirée à peu près une heure après parce que elle était buggée. Buggée. Okay. Vous pouvez aller lire l'article sur assemblagerequis.com, mais ça, il y avait un bug, ils l'ont retiré. Évidemment, Google conseille à ceux qui l'ont déjà téléchargé de continuer à l'utiliser. Quant aux autres, ils vont devoir attendre la prochaine version qui devrait arriver bientôt. Donc, vous pouvez continuer d'utiliser, donc c'est pas un problème qui va mettre votre sécurité en danger. Donc voilà pour Google sur iOS. Restons dans le domaine de l'iOS et de l'iPhone. On parlait hier des problèmes d'autonomie de la batterie, tu te rappelles? Du iPhone, un problème de batterie, François? Ouais. On a parlé hier. C'est ça. Apple reconnaît des problèmes d'autonomie maintenant. Il reconnaît le problème. Ah ouais? Apple, quand même. Ça s'est fait hier, ils nous ont écoutés. Puis... Exactement. Mais on a du pouvoir. Hein? Okay. Bon. Une semaine après que des plaintes relatives à la durée de vie anormalement courte de la batterie de l'iPhone 4S ont fait surface, Apple a admis l'existence de quelques problèmes mercredi soir, donc hier, et promis l'arrivée d'une mise à jour logicielle dédiée à leur résolution dans les semaines à venir. Le sujet fait déjà l'objet de plus de 200 pages de commentaires dans les forums d'Apple. Le nouvel iPhone 4S équipé d'iOS 5 semble souffrir de quelques problèmes d'autonomie. Mercredi soir, une porte-parole de la société, Natalie Harrison, a admis l'existence d'un problème qui, selon elle, se situe au niveau logiciel. Et je cite, « Un petit nombre de clients ont signalé que l'autonomie de leur appareil équipé d'iOS 5 se révélait inférieure aux prévisions. Nous avons identifié quelques problèmes qui affectent l'autonomie et nous publierons une mise à jour logicielle destinée à les corriger dans quelques semaines. » Apparu dans les jours qui ont suivi la sortie de l'iPhone 4S et la mise à disposition pour les autres terminaux de la gamme Apple de la mise à jour iOS 5, c'est le système d'exploitation de l'appareil, les plaintes se concentrent essentiellement sur le dernier nez de la marque. La déclaration d'Apple laisse toutefois entendre que l'iPhone 4S ne souffrirait d'aucun problème de conception particulier. Il s'agirait vraiment d'un problème logiciel dont la résolution ne serait qu'une question de temps. Peu avant cette communication officielle, Apple avait mis à disposition des développeurs enregistrés mercredi une première version test d'un futur iOS 5.0.1. Parmi les nouveautés, on trouvait effectivement la mention de correction de problèmes affectant la durée de vie. Donc, c'est déjà dans la plus récente bêta, apparemment, d'iOS 5. Alors, quelques semaines et ce sera disponible pour tout le monde. Tant mieux. C'est si simple que ça, pas besoin de renvoyer les appareils. Tu connais, François, les CAPTCHA? Est-ce que le mot t'a dit quelque chose? Non. C'est, tu sais, quand tu vas t'inscrire sur un site web, ça te montre des caractères tout flous, tout bizarres, puis t'as de la misère à les comprendre, mais faut que tu les tapes pour prouver que t'es pas un robot. Puis il faut que tu fasses j'en veux un autre, j'en veux un autre, puis j'en veux un autre, parce que tu comprends jamais. Moi, j'avais un de mes amis qui m'avait dit, écoute, tu peux rentrer n'importe quoi, puis faire Enter, puis ça fonctionne. Ah, ben moi, ça fonctionnait pas. Ça peut être un site ou des sites qui ont le logiciel qui marche mal, parce que c'est pas supposé. Des chercheurs de l'université de Stanford ont conçu un logiciel capable de décoder un fort pourcentage des CAPTCHA, ces codes destinés à freiner les activités des robots sur les sites Internet. Généralement considéré comme une protection efficace pour ralentir les tentatives de spam et autres activités des bots, les CAPTCHA, ça veut dire « Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart ». Donc, test de Turing public complètement automatisé pour faire la différence entre les humains et les ordinateurs. Voilà. Ça, c'est ma traduction à moi, là. C'est pas exactement dans le bon ordre. Vient de prendre du plomb dans l'aile. Trois chercheurs de Stanford sont parvenus à décoder différents types de CAPTCHA utilisés fréquemment sur Internet en développant des algorithmes inspirés de ceux utilisés par les robots pour s'orienter dans différents environnements. De ce travail est né un programme baptisé DeCAPTCHA, qui s'est montré plutôt efficace une fois lancé sur la toile en décodant 66% des CAPTCHA proposés par le site Authorize.net, 70% de ceux utilisés par Blizzard Entertainment ou encore 73% de ceux de CAPTCHA.com. Je savais pas qu'il y avait un site CAPTCHA.com. D'autres sites ont mieux résisté à l'expérience. Seuls 43% des CAPTCHA d'eBay ont cédé contre 24% chez Reddit. Reste que l'expérience démontre qu'il est tout à fait possible de contourner cette protection. Par ailleurs, souvent frustrante pour l'utilisateur qui peine à décoder lui-même les inscriptions des CAPTCHA. Non, mais pour vrai, quand c'est des affaires de couleurs et de lettres qui s'embarquent une paire dessus l'autre, là, donnez-nous une chance. Oh, ouais, à un moment donné, c'est pas évident. Oui, on... C'est un chiffre, c'est une lettre. Tu sais, des fois, le O, le 0. Ouais, c'est ça. Rendez ça évident, s'il vous plaît. Ah, oui. L'équipe de Stanford a mis en ligne un long article concernant cette étude qui compare les différents types de CAPTCHA utilisés par les sites populaires ainsi que leur degré d'efficacité aussi bien côté bot que côté utilisateur. On y apprend que le seul outil de CAPTCHA qui a résisté à l'expérience est ReCAPTCHA, racheté par Google en 2009. Suite à cette étude, plusieurs sites comme Authorize.net et The Dig ont d'ailleurs décidé de l'adopter. Voilà. Bon, on a terminé pour les nouvelles. T'as vu, François, est-ce que t'as vu la bande-annonce de Grand Theft Auto 5? Ouais, j'ai vu. T'as vu? Ah ouais. Qui se passe à San Andreas? Hein? C'est ça? Non? Non, c'est plus Hollywood, je dirais. Ok, ouais, mais moi j'avais lu. Ok. Ouais. Parce que, tu sais, il y a comme les lettres. Vinewood, quelque chose du genre que j'ai vu. Ouais, ouais, Vinewood, ouais. Mais. Ouais, c'est sûr, comme Hollywood, là. Non, ça dit Grand Theft Auto 5 se déroule à San Andreas. Ah ouais? Ah ouais, c'est fait. Eh ben. Donc, c'est le même, c'est la même ville? Non. Non, il y a plein de montagnes, il y a plein de. Peut-être de... que c'est une extension de cette ville-là, j'en ai aucune idée. Ah, mais je l'ai vu. Ça dit, la bande-annonce qui vient de sortir se passe à Los Santos, la version de Los Angeles du jeu. On sait pas encore la date de sortie, blablabla. Ben, c'est ça. Ouais, Los Santos, ouais, c'est ça. Ben, c'est bizarre parce que sur la page d'accueil, ça dit que ça se passe à San Andreas. Du site de nouvelles. En tout cas, peu importe, mais c'est Los Santos, donc Los Angeles. Parfait. Sinon, en nouvelle de jeux vidéo, toujours, marché du jeu vidéo, une croissance de 50% jusqu'en 2015. Eh, quand même. Oui. Si vous aimez les statistiques, etc., chiffres, on en parle un peu. Le très sérieux institut iDate s'est lancé dans une évaluation de l'évolution du marché du jeu vidéo sur ces quatre prochaines années. Si on a pu observer une stagnation en 2011, donc montée de 0,4% seulement, grâce au téléphone mobile surtout, on devrait constater un boost dès l'année prochaine avec une augmentation d'environ 5%, puis des nombres à deux chiffres jusqu'en 2015. L'institut prévoit donc un marché du jeu vidéo évalué à 78 milliards d'euros dans 4 ans, contre les 52 milliards actuels, donc assez grosse croissance, une croissance de 50%. Mais pourquoi une telle montée en flèche, demande-t-on? Sans doute grâce à l'arrivée des nouvelles consoles de salon, à commencer par la Wii U. Ça va être, je crois, à l'été 2012, si je me rappelle bien. Et ensuite, les nouveaux Sony et Microsoft. Sony et Microsoft, ils vont sortir en même temps? On a parlé la semaine passée, je me rappelle plus. PlayStation avant? Ouais, c'est ça. Je crois que c'était ça. Quelque chose genre. Faudrait que je retourne lire l'article. Il y a des problèmes de sauvegarde pour Batman Arkham City. Malgré la grande qualité et les très très bonnes critiques de Batman Arkham City, il semblerait bien que tout ne se déroule pas comme prévu dans le monde dans ce monde-là, du moins pour certains joueurs. Les utilisateurs ont fait état de problèmes de sauvegarde corrompus ou ayant simplement disparu de la console. Ça frustre un peu. Il semblerait que ce désagrément concerne bien les versions PS3 et 360 du jeu et les protestations des joueurs sur le forum officiel se multiplient. Si on se souvient bien, le même problème d'ordre technique était déjà survenu peu après la sortie de son prédécesseur, Batman Arkham City. Warner Interactive et Rock City n'ont pas pour l'instant fait de déclaration officielle à ce sujet, mais on espère que ça sera tardé, que ça ne saurait tarder. Quand on imagine bien la frustration des joueurs proches de la fin du jeu et atteints par ce désagréable bug. Moi, en tout cas, j'en reviendrai pas. Ouais. T'es rendu aux trois quarts du jeu, puis finalement, c'est corrompu. Là. Non, déprime. Ouais, déprime. C'est plate. Quoique, si c'est un jeu qui est bon, c'est le fun de rejouer, mais j'aimerais ça pouvoir faire le tour avant de rejouer. C'est ça, une chose à la fois. Hein. On termine avec du chiptune, bien sûr. C'est la formation ou l'artiste 8-Bit Chintendo avec la pièce NES Rebirth. On écoute ça. Vous pouvez télécharger son album complet en suivant le lien sur assemblagerequis.com. Assemblagerequis.com. Mais pour l'instant, 8-Bit Chintendo. Chintendo. Chintendo. Chintendo. c'est ce qui termine cette édition de CLX.zip. On se retrouve jeudi prochain à 10h, on rappelle dimanche à midi. Entre-temps, vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. Et n'oubliez pas que ces chroniques proviennent d'Assemblage Requis, diffusées du lundi au jeudi entre 7h et 9h. Je remercie François-Olivier Marchand pour sa participation à l'émission de cette semaine. Moi, c'est Mathieu Plante. Passez une excellente journée et à la prochaine. Dash.com.